إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، nous allons voir ensemble un livre important qui est Kitab Usul al-Iman de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, avec le charh de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب الإيمان، معرفة الله عز وجل والإيمان به. chapitre la connaissance d'Allah عز وجل et la foi en lui. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. Abu Huraira rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ta'ala dit, je suis celui qui me passe le plus des associés dans ce qui est de l'associationnisme, celui qui œuvre et m'associe dans son associé avec autrui dans cette œuvre, je le délaisse ainsi que son associationnisme. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baba. Donc, Cheikh dit dans son charh, Qawluhu rahmahullah, babu ma'rifatillahi azza wa jal wal imani bihi, ay hadal bab. مقعود لبيان معرفة الله عز وجل والإيمان به. ثم بعد أن ذكر البسملة لما في البدء بها من البركة، ما هو معلوم من نصوص الشرع، ذكر بأنه يستعين بالله تبارك وتعالى في عمله الجليل، وهو تصنيف هذه الرسالة التي اشتملت على أصول الإيمان. Donc il dit, Hafzallah, la parole du Cheikh Islam, Rahimallah, chapitre, la connaissance d'Allah et la foi en lui, et que ce chapitre comprend et expose le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'y avoir foi en lui, puis après avoir prononcé Al-Basmala, le fait de dire donc Bismillah au nom d'Allah, car dans cette prononciation il y a de la bénédiction, et cela est connu dans les textes de la législation. Il mentionne qu'il demande ici de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans cet acte qui est grand et important, le fait d'avoir compiler ce livre qui comprend et comporte les bases de la foi. إذ لا نجاح لعمل من أعمال البر إلا إذا أعان الله عليه صاحبه. Car l'œuvre ne réussira pas ou ne connaîtra pas de réussite, c'est-à-dire l'œuvre pieuse ne connaîtra pas de réussite que si Allah aide celui qui fait cette œuvre. فبدأ ببيان هذا الأصل العظيم وهو معرفة الله عز معرفة الله عز وجل والإيمان به. Il commence à énoncer, à exposer cette base importante qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en lui. Allah tabaraka wa ta'ala arrafana ala nafsihi fi kitabihi al-munazzal ala nabiyihi sallallahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala se fait connaître dans son livre qui a été descendu envers le prophète, envers son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le volcan du discernement. Wa allamana al-iman bihi ala al-wajh al-sahih. Et il nous a fait connaître, nous a enseigné la foi en lui subhanahu wa ta'ala à travers donc la vraie façon par et à travers donc la vraie façon de le connaître subhanahu wa ta'ala. Sama nafsahu bi asma'in tadullu ala sifat al-kamal wal-jalal. Il s'est appelé subhanahu wa ta'ala par des noms qui prouvent qu'il est que ces attributs-là sont complets et énormes, subhanahu wa ta'ala. Wa awjaba alayna al-iman bihi. Et il nous a ordonné, donc il est obligatoire pour nous, d'avoir foi en cela. Ay bi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi ala ma la'ima yaliqu bi 'azamatihi wa jalalihi. Donc par son essence, subhanahu wa ta'ala, son entité, ses noms, ses attributs, comme il s'y est à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ نَذَرَ إِلَى الْكَوْنِ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى مَا نُصِبَ فِيهَا مِنَ الْجِبَالِ وَإِلَى مَا أَجْرَ فِيهَا مِنَ الْأَنْهَارِ وَأَنْشَأَ مِنَ الْبِحَارِ وَالْأَشْجَارِ وغير ذلك من مخلوقات الله العزيز القهار استدل بهذه المخلوقات على وجود خالقها العظيم. Celui qui regarde cette création, les cieux, la terre, les montagnes qui ont été placées et les ruisseaux qui coulent, ainsi que les mers, donc qui sont propagées, les arbres. Et autre que cela, parmi donc les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, le dominateur, cela nous montre, c'est-à-dire ces créatures, nous montrent et nous prouvent que le créateur existe, que le grand créateur existe subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika ma ja'a fi al-Qur'an al-Karim min al-ayat al-saliha في وجوب الإيمان بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. Ainsi que ce qui a été mentionné dans le Saint-Coran parmi les versets qui sont clairs. Cela nous prouve aussi l'obligation de croire en son existence, en donc sa divinité subhanahu wa ta'ala, sa seigneurie, ses noms et attributs. Et Allah dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Donc le premier verset est bien sûr donc ayat al-kursi, le début de ayat al-kursi surat al-baqara verset 255. Et le second est aussi dans Surat al-Baqara, verset 163. Et il dit aussi Azza wa Jal, wa khaliq kulli shay, wa huwa ala kulli shay wakil. Surat al-Zumar, verset 62. اللي تسي سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص. فعلم الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وذلك ثابت بالعقل والنقل والفطرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître et nous a enseigné ses noms, donc son entité, ses noms, ses attributs et ses actes. Et cela est prouvé, authentifié par, il est prouvé ici, par la sainte nature, par les textes du Coran et de la Sunna, authentique, et par, donc par le raisonnement à foi, bien sûr, donc la raison saine, ainsi que les textes, et aussi la saine nature. فواجب الإيمان بالله على ما جاء عن الله على مراد الله. Il est obligatoire pour nous de croire en Allah par ce dont Allah est venu avec, c'est-à-dire les textes. على مراد الله, avec ce que Allah a voulu dire par cela. والإيمان به يشمل كل ما فرض الله. Donc la foi en Allah comprend et comporte tout ce dont Allah a ordonné. Tabaraka wa ta'ala ala al-ibad a yu'minu bihi wa awjaba dhalika alayhim min al-iman bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Donc c'est une obligatoire, c'est une obligation et c'est obligatoire pour les serviteurs de croire en lui subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire pour les serviteurs de croire en sa seigneurie, en sa divinité, en ses noms et attributs. Wa iman bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadri khayrihi wa sharrihi. Il est obligatoire aussi de croire et d'avoir foi en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Wa iman بأوامره ونواهيه التي جاءت في الكتاب والسنة. Et de croire aussi en ses ordres et en ses interdits qui sont donc venus dans le Coran et dans la Sunna, qui existent donc dans le Coran et dans la Sunna. Il a révélé ذلك مما أنزل الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Et autres de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu à son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِمَنْ بِهِ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْإِمَنْ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Car il est obligatoire de croire en lui. Et cela, donc entre dans le fait de croire en Allah tabaraka wa ta'ala. وقد جاء في الحديث القدسي ما يدل على كمال غنى الباري عز وجل واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه. Il a été mentionné dans le hadith القدسي ce qui prouve le fait qu'Allah عز وجل se passe de ce serviteur subhanahu wa ta'ala. Et qu'il mérite en toute vérité d'être adoré sans qu'il y ait un associé subhanahu wa ta'ala. Fa'an Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, qala Allah ta'ala, ana arna shurakai an al-shirk. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Le hadith que l'on a vu auparavant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala dit, je suis celui qui me passe le plus des associés, celui qui œuvre en bien ou en quoi que ce soit, je le délaisse, ainsi que son associationnisme. والحديث كما ترى في وجوب الإخلاص في العمل لله وحده دون سواه. Et le hadith, comme vous voyez, on y retrouve l'obligation de vouer un culte pur et d'être sincère envers Allah Azza wa Jalla dans l'acte, sans, bien sûr, donc l'associer en quoi que ce soit. وأن من عمل عملا من أعمال القرب أشرك مع الله عز وجل فيه غيره فإن الله لا يقبل عمله أبدا. Et celui qui œuvre, donc d'une des œuvres qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il associe en quoi que ce soit, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera jamais son œuvre. N'accepte pas son œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte l'œuvre que si elle requiert deux conditions, que si les deux conditions y sont donc retrouvées. Al-shart al-awwal as-sawab. La première condition est donc la réussite, la conformité, la conformité. La deuxième condition, l'ikhlas, la sincérité, vouer un culte pur. Si chez celui qui est responsable, donc chez la personne qui va œuvrer, l'œuvre, donc cette œuvre-là, on y retrouve, dans cette œuvre-là, on y retrouve la conformité ainsi que la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala agrée et accepte cette œuvre. Allah accepte cette œuvre. لأن هذا الجمع بين الصواب في الأعمال والإخلاص فيها هو منهج المنعم عليه. Car le fait de rassembler la conformité dans l'œuvre ainsi que la sincérité, voilà donc la voie de ceux dont Allah a comblé d'un fait. الذين قال الله في حقهم, celui dont Allah dit sur eux en toute vérité, ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Sourate An-Nisa, verset 69. Et celui qui obéit à Allah et à son envoyé, ce sont eux dont Allah a comblé de bienfaits parmi les prophètes, les envoyés, les véridiques, les martyrs et les pieux. Sourate An-Nisa, wal-aya tis'u, wa sittun. Wa huma alladhina waffaqahum Allah. Ce sont ceux qui ont eu et reçu la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pu rassembler dans leurs œuvres, ils ont pu rassembler donc dans leurs œuvres la conformité ainsi que la sincérité. في الاستعانة والاستغاثة أو الذبح أو النذر أو الرغبة أو رهبة أو أي نوع من أنواع العبادات فمن صرف منها شيئا لغير الله أو جعل مع الله شريكا فيها فعبادته مردودة عليه غير مقبولة منه. Donc, celui qui donne à Allah un associé dans son adoration, que ce soit par le fait de demander de l'aide, ou le secours, ou l'assurance, ou le vœu, ou la forte envie, le désir, ou l'effroi, ou n'importe quel type d'adoration, celui donc, qui fait en sorte que ces adorations soient pour autre qu'Allah Azza wa Jal, ou a donné un associé à Allah Azza wa Jal dans cette adoration, son adoration lui sera, lui, donc il verra son adoration rejetée sur lui, et elle ne lui sera pas acceptée. لقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Car il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le hadith al-Qudsi, celui qui œuvre et qui m'associe et qui me donne un associé dans cette œuvre, je le délaisse ainsi que son associé. Et il a dit ashraka fihi, c'est-à-dire cette œuvre qui a été donc avec lequel il a associé. Wa hadha al-hadith al-Qudsi yattafiq ma qawl Allah ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc celui qui espère donc la rencontre de son Seigneur, qu'il œuvre, qu'il fasse de bonnes œuvres, qu'il fasse donc des œuvres pies, et qu'il n'associe pas dans son adoration donc son Seigneur en quoi que ce soit. Qu'il ne donne pas à son Seigneur donc des associés. Surat al-Kahf, verset 110. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يقضى عليه رجل استشهد في سبيل الله فيقتل به ويعد الله عليه نعمه. Les premières personnes qui vont être jugées sont la personne qui mourra donc partir pour Allah Azza wa Jal. Et on viendra avec. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala va lui mentionner ses grâces qu'il avait. Wa yaqul badafa'at fiha. Il dira, qu'as-tu fait avec donc de ces grâces? Et qu'as-tu fait lorsque tu as fait ces grâces, ces choses-là? Donc il dit qatal tufik hatta istushhid. Il dit donc, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je me repartir. Allah lui dira, tu as menti. إنما فعلت ذلك ليقال جليل وقد قيل. Il dit, certes, tu as fait cela pour qu'on dise que tu es courageux. Et on l'a dit. Cela s'est passé dans la vie d'ici-bas. اذهبوا به فأمر به فسحب إلى النار فقذف فيها. Prenez-le. Partez avec. Et il a été donc traîné, jusqu'au feu, il a été jeté dans ce feu. وَيُؤْتَى بِمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ فَيُعَدِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعَمَاهُ فَيُقَالُ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا فَيَقُولُ تَعَلَّمْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمْتُهُ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَتَعَلَّمْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ فقال كذبت إنما تعلمت القرآن ليقال قارئ تعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل ورجل وسع الله. Donc pour la deuxième catégorie de personnes ici, on viendra avec celui qui a appris le Coran, appris la science et le Coran. Et Allah Azza wa Jalla lui mentionne, lui énumère ses grâces. Et on lui dira, qu'as-tu fait avec cela? Et il dira, j'ai appris pour toi le Coran et je l'ai enseigné. J'ai appris pour le science, j'ai appris la science et je l'ai enseigné. Et j'ai appris donc pour toi le Coran. Il dira, tu as menti. Certes, tu as appris le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. Tu as appris la science pour qu'on dise que tu es un savant. Et cela est arrivé. Donc les gens ont bien sûr dit cela dans la vie d'ici-bas. Et un homme dont Allah Azzawajal a donc comblé de bienfaits, a donné des largesses. Et Allah lui a donné donc plusieurs types, plusieurs catégories de biens. Fa'uti fa'arafahu. On est venu avec. Et Allah lui a fait connaître ses biens, ses bienfaits. Fa'arafa. Il les a reconnus. Il dit, qu'as-tu fait avec ces biens? Qu'as-tu fait à travers cela? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa adfaqtu fiha lak. Adfaqtu fiha lak. Il dit, je ne t'ai pas délaissé de voix que tu aimes sans que je l'ai donné à travers cette voix pour toi. Qala kadhabt. Il dit, tu as menti. Mais tu as fait pour qu'on dise que tu es généreux. Et on l'a dit. Donc il a ordonné qu'on le prenne. Il a été traîné par le visage jusqu'à ce qu'il fût jeté donc dans le feu. وقد سبق بيان أن العمل الصالح ما توفر فيه شرطان، أحدهما الصواب والثاني الإخلاص. فإن فقد أو فقد أحدهما فإن العمل لا يقبل. نسأل الله العفو والعافية وقبول العمل والثواب عليه أضعافا كثيرة. Donc il a été mentionné auparavant que l'œuvre pie doit être. Donc l'œuvre pie, c'est-à-dire celle qui est acceptée, est celle qui comprend les deux conditions. La première condition est la conformité, la seconde est la sincérité. Et si les deux n'y sont pas présents, sont absents, ou l'un d'entre eux n'est pas là, donc n'est pas présent, certes l'acte n'est pas accepté. Nous demandons à l'Azel donc d'être saint, d'être protégé par rapport à cela. Et que notre œuvre soit accepté. Donc, en résumé ici, ce premier hadith donc nous montre ici l'importance de la sincérité, ainsi que l'importance de la conformité dans l'acte. Al-hadith al-thani, deuxième hadith, an Abi Moussa radhiyallahu anhu, قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحانه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أبو موسى رضي الله تعالى عنه rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a mentionné cinq paroles, cinq points. فقال il dit sallallahu alayhi wa sallam إن الله تعالى لا ينام. Certes Allah ne dort pas. Il ne lui sied pas de dormir. Il rabaisse la balance et l'élève. L'œuvre de nuit avant l'œuvre de jour sont élevées chez de lui, donc montent auprès de lui. Et l'œuvre de jour avant l'œuvre de nuit, son voile et lumière. Et s'il le dévoilait, donc le rayonnement ou la splendeur de son visage brûlerait. C'est-à-dire là où donc la vue parmi ses serviteurs donc s'arrêterait dans le sens tout donc serait donc brûlé ici. Le hadith rapporté par l'imam Muslim. وهذا الحديث في مشروعية الوعظ والتذكير. Ce hadith montre donc le fait que l'exhortation et le rappel sont légiférés en islam. وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et que cela fait partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فقد كان يعظ أصحابه ويوجز في الموعظة. Certes, il exhortait ses compagnons. Et bien sûr, donc il le faisait de façon succincte. Ce n'était pas long. وهكذا الناس في ذلك العهد وفيما بعد ذلك. Et c'est comme ça donc pour les personnes à cette époque et après cela. Ou plutôt, il y a après cela, il y a dit بأمس الحاجة إلى الموعدة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والحكمة المعروفة عن أئمة العلم من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. Donc cela bien sûr est les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même ceux qui viennent après ont besoin, ils ont réellement et fortement besoin d'exhortation à travers le Coran, les exhortations qui proviennent du Coran et de la Sunna, et bien sûr aussi donc des sagesses connues parmi les paroles des imams de la science, donc Aïmat al-Ilm, les savants, parmi les compagnons, les successeurs et les époques préférées, les époques donc qui ont été ici donc celles de la suprématie. Et ainsi que les époques qui viennent après eux, jusqu'à ce jour, et même, bien sûr, jusqu'à ce jour, et même, jusqu'au jour dernier. وَهَذِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسَ فَصَّلَهَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. Ces cinq paroles, le Nabi صلى الله عليه وسلم les a expliquées. Certes, Allah ne dort pas. Et Allah dit, comme Allah dit, subhanahu wa ta'ala, et le verset on l'a vu tout à l'heure, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سورة البقرة donc آية الكرسي que vous connaissez. لأنه سبحانه مدبر لأمور يعني أمور من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما. Car Allah سبحانه وتعالى gère ce qui se passe. Donc ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et il ne lui sied pas de dormir. Car il est complet, subhanahu wa ta'ala. Il est parfait, subhanahu wa ta'ala. Et il est... Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il est complet et parfait, exempt de défaut. Et il se passe de tout cela, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, donc sa puissance et sa capacité est complète et parfaite. Wa innama yahtaju ila an-nawmi al-basharu wal-makhluqat. Certes, l'homme et la créature, ce sont eux qui ont besoin de dormir. Les darfim, pourquoi? Car ils sont faibles. Car le sommeil est un repos pour eux lorsqu'ils trouvent donc la fatigue, lorsqu'ils sont fatigués. وأما الخالق جل وعلا فهو الحي القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره للخالق الكرياتور جل وعلا vivant et le Qayyum, ici donc il est omnipotent, il est donc c'est celui qui donc subsiste de lui-même, et c'est celui aussi qui a donc fait que tout ce qui est autre de lui donc existe. Wal Ghani al Hamid Ghani bi dhati, et il est bien sûr donc riche et loué subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui mérite donc alhamd. Riche de par lui-même subhanahu wa ta'ala. Wa sha'nuhu rilushan al-makhluqatihi. Rilushan al-makhluqatihi. C'est-à-dire sa situation, son cas, n'est pas et autre que le cas et la situation de ses créatures. Fa huwa la yahtaju ila an-nawm alladhi yahtaju ilayhi al-bashar. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du sommeil dont la créature a besoin. Yarfidul qista wa yarfa'uhu. Il rabaisse la balance et l'élève. Aywa alladhi yatasarrafu azza wa jalla fi ahwal makhluqati. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère donc ces créatures subhanahu wa ta'ala, c'est qui gère tout ce qui se passe dans ces créatures subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yahkumu fihi bil 'adl, et c'est lui qui juge donc sur eux en toute équité, en toute justice. Fa huwa yus'idu man yasha bi fadlihi, il donne le bonheur à qui il veut de par sa grâce. وَيُشْقِ مَنْ يَشَى بِعَدْلِهِ, ainsi que le contraire. Donc il donne aussi donc, c'est-à-dire le malheur, si on peut dire ça comme ça, à qui il veut aussi par sa justice, par le fait qu'il soit juste subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ أَلَّذِي بِيَدِهِ الْمَوْتُ وَالْحَيَاتِ, c'est lui qui possède entre ses mains la mort et la vie. La richesse et la pauvreté, la bonne santé et la maladie, et tout bien sûr est à sa juste mesure auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Tout est donc ici mesuré à sa juste mesure auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Yurfa'u ilayhi amal al-layl qabl amal al-nahar wa amal al-nahar qabl amal al-layl. Donc ça c'est le hadith. Donc est élevé auprès de lui l'œuvre de nuit avant l'œuvre de jour et l'œuvre de jour avant l'œuvre de nuit, par succession. Ay inna al-a'mala tufa'u li Allah azza wa jalla. وقد جعل الله تبارك وتعالى ليلا ليلا والنهار كما قال عز وجل وهو الذي جعل الليل النهار الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الفرقان 62. Donc c'est lui qui a placé la nuit et le jour comme succession pour celui qui veuille se souvenir ou qu'il veuille donc être reconnaissant. Surat al-Furqan, verset 62. وَاللَّيْلُ وَالنَّهَرْ خَزَائِنُ الْعَامِلِينَ إِذْ يَعْمَلِ الْمُكَلَّفْ فِي لَيْلِهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِقَدْرِ إِسْتِطَاعَتِهِ وَيَعْمَلُ فِي النَّهَارِ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كَذَلِكَ. La nuit et le jour sont les trésors de ceux qui œuvrent. Lorsque celui qui est responsable, l'homme et les djinns et les humains, lorsqu'il œuvre la nuit en adorant Allah Azza wa Jal, en obéissant Allah Azza wa Jal comme il le peut, et qu'il œuvre la journée aussi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon. Wa kullu min amila al-layl wa an-nahar yurfa'u ila Allah kama qala ta'ala إلهي يسحب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Donc tout cela, toutes ces œuvres-là de nuit comme de jour, sont élevées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Fatir verset 10, auprès de lui est élevée la bonne parole et la bonne œuvre, l'œuvre pieuse, l'élève. Il l'élève. وفي هذا الحديث اللي قوله عليه الصلاة والسلام يشفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وفي الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Donc le hadith qui est mentionné ici de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers lui est élevée l'œuvre de nuit avant l'œuvre de jour. Dans un autre hadith, dans un autre récit prophétique, les anges donc, se succèdent sur vous, donc les anges de nuit et les anges de jour se succèdent, c'est-à-dire auprès de vous. Le hadith ici, le second, donc il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Tandis que le hadith al-Bab, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, fal-a'mal. عمل العباد صاعدة إلى الله عز وجل. Les œuvres des serviteurs sont élevées et montent vers Allah عز وجل. تعرج بها الملائكة الكرام. Les anges montent, donc les anges généreux montent, nobles et généreux montent avec ces œuvres. عمل الليل قبل عمل النهار. Les œuvres de nuit avant les œuvres de jour. Et les œuvres de jour avant les œuvres de nuit. Et cela sera tant que la vie existera sur cette terre. Donc jusqu'au jour dernier. Donc, lorsque la personne, le serviteur, le responsable, ressente cette chose-là qui est importante, que ses œuvres montent vers Allah Azza wa Jal de nuit et de jour, et qu'il ressente cela, donc, son bien se fructifie, se multiplie. Et ses péchés diminuent. Il augmente les bonnes œuvres qui élèvent vers Allah Azza wa Jal. Tabaraka wa ta'ala. وطويت صحيفة العمل عمل الليل والنهار وعمل النهار. Donc ce sera bien sûr ici donc un racide, donc ce sera en vérité un pécule pour lui auprès d'Allah Azza wa Jal, qui pourra donc présenter lorsque l'âme va se détacher du corps et que les feuillets des registres seront pliés, c'est-à-dire les registres des œuvres de jour ainsi que les œuvres de la nuit. Thumma wassafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbahu jalla wa ala bi qawlihi hijabuhu an-nur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici mentionne et décrit son Seigneur jalla wa ala lorsqu'il dit son voile est lumière. Law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi. Donc si bien sûr il se dévoilait donc cela, donc la splendeur, les rayons donc de son visage, bien sûr brûlerait tout. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il brûlerait tout. Yani, la harka subuhat wajhihi ma intaha ilayhi basaruhu min khalqihi. Limada, et pourquoi cela? Il ta'fi al-khala'iq. وجلالة القدرين قدر الله عز وجل. humain ou la créature entière, bien sûr, est faible, et pour montrer aussi donc la grandeur et l'importance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aydan shanihi, donc son importance qui est énorme, grand, subhanahu wa ta'ala. Subhat wajhi ayno wajhi al-adhim. Donc la splendeur de cette lumière de son visage, subhanahu wa ta'ala, de sa face, subhanahu wa ta'ala, alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat kama fi du'a al-ma'thur. Donc cette splendeur de sa face qui illumine les ténèbres, comme il a été mentionné dans l'invocation donc connue, a'udhu bika, ou plutôt a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat. Je me protège auprès de la lumière de ton visage, de ta face, qui illumine les ténèbres. Donc, wa saluha alayhi amru ad-dunya wal akhirah. Wa an yahilla alayya ghadabuk aw yunazzil bi yani sakhatuk. Laka al-utba hatta taqda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Az'a as-suyuti fi al-jami' at-tabarani fi al-kabir 'inda Abdullah ibn Ja'far. Donc je me protège auprès de ton visage qui a illuminé donc les ténèbres. Et on sait qui arrange et rectifie donc les choses de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et je me protège aussi afin que ta colère ne m'atteigne pas. Ta colère au ton courroux. Donc ne, que ton courroux ne soit pas descendu sur moi. Et tu as la faveur jusqu'à ce que tu agrées. Et la hawla wa la quwwata illa bik. Donc nulle capacité, nulle puissance, hein, bien sûr, soit par toi, subhanahu wa ta'ala. Donc on a terminé pour ceux qui est d'aujourd'hui avec donc ces deux hadiths donc importants. Le premier, comme on l'a dit ici auparavant, donc il mentionne donc les deux points importants, de base importants dans l'islam, qui sont que l'œuvre ne sera pas acceptée que s'il est accompagné de sincérité et de conformité. Et ce sont bien sûr des bases de l'islam. Et dans le deuxième hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc nous montre et nous dévoile donc ici des attributs et qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc haute attribut et haute qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport donc ici à ces hadiths, comme par le fait de montrer qu'il ne dort pas et qu'il n'a pas besoin de dormir et qu'il gère tout. Donc on comprend à travers cela qu'on est totalement donc démuni et pauvre. Et Allah Azza wa Jalla donc est riche, donc d'une richesse qui donc ne diminue jamais. Et on a totalement besoin de lui, subhanahu wa ta'ala, en tout cas, en tout lieu et en tout moment. Et aussi, donc, il montre aussi qui, donc toujours aussi, donc la splendeur de son visage, subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, bien sûr, fait partie donc des bases de la foi du Coran. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته